Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Le thème de la khutbah d'aujourd'hui traite du mois de Rajab. Louange à Allah qui a guidé ses serviteurs sur la bonne voie et qui donne de sa grâce à qui il veut. Il a fait le mois de Rajab parmi les mois sacrés et les grands jours. Il y a ouvert les portes du pardon à celui qui s'y repent et demande l'absolution de ses péchés. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que lui, unique et sans associé. Nous le louons et nous le remercions pour les grâces qu'il nous a faites. Et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Oh Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons et ceux qui l'ont suivi. Serviteur d'Allah, je vous recommande comme à moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Combien de moments propices au repentir nous avons manqué. Des jours où Allah accepte le repentir passent et nous les ignorons. Celui qui fait des efforts d'adoration d'Allah, il le fait pour lui-même, pour sûr. Allah est au-dessus des univers. Et voilà que le sacré mois de Rajab vous arrive. Allah y accorde des grâces et de la miséricorde. C'est un mois sacré du temps de la barbarie comme du temps de l'islam chez les Arabes et les non-Arabes. Profitons des récompenses de l'obéissance pendant ce mois, ne nous en détournons pas. Sinon, nous serons parmi les perdants. Pendant ce mois, les bonnes actions sont récompensées aux multiples. Le pardon y est accordé à ceux qui le demandent. Allah y accepte le repentir. Craignons Allah et soyons parmi les gens sincères. Et toi qui espères, demande à ton Seigneur, car les prières sont exaucées pendant ce mois. Lavons-nous de nos péchés. Allah aime les repentants et les purifiés. Heureux celui qui prend conscience qu'il est sur la mauvaise voie et frappe à la porte de son Seigneur. Félicitations à celui qui veille ce mois en prière et demande l'absolution des péchés en disant « Seigneur, nous étions injustes avec nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et si tu ne nous accordes pas ta miséricorde, nous serons parmi les perdants. Heureux celui qui passe la nuit sans dormir à s'adresser à son Seigneur avec un cœur triste et endolori. Heureux celui qui répond à l'appel de son Seigneur, n'en déplaise à Satan, conformément à la parole d'Allah. Enfant d'Adam, ne vous ai-je pas engagé à ne pas adorer Satan, car il est votre ennemi déclaré. En bref, le sage est celui qui pense à son au-delà et se prépare à un jour dont les prêcheurs sont incapables de décrire les tourments. Alors que ceux qui désobéissent se ressaisissent et se repentent, surtout pendant ces jours et ces nuits que nous sommes en train de vivre. Serviteurs d'Allah, pendant ce mois, jeûnez autant que vous le pouvez. Priez et veillez les nuits. Accomplissez vos obligations et évitez les interdits. Armez-vous de l'obéissance à Allah, de la générosité et des bonnes actions pour la paix. Ne vous laissez pas tenter par la vie ici-bas et n'ayez qu'illusion. Soyez bons, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaiteurs. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah le Très-Haut tend sa main la nuit pour absoudre celui qui a fait des péchés le jour, et il tend sa main le jour pour absoudre celui qui a fait des péchés la nuit, et ce, jusqu'à ce que le soleil se lève. » Rapporté par Muslim. Et d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui se repent avant le lever du soleil, Allah lui accorde l'absolution. Et il a encore dit, sallallahu alayhi wa sallam, aux gens, Repentez-vous à Allah et demandez son pardon. Moi, je me repens 100 fois par jour. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين